Voilà, c'est l'intempestive. Collégiale, collégiale, collégiale, Avenue des Arts, Le mois dernier, dans l'intempestive, on explorait l'histoire sauvage des radios libres belges. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à l'une d'entre elles, Radio Panique, qui émet sur le 105.4 à Bruxelles. Et comme le mois dernier, on ne se lasse pas de puiser dans l'abondant documentaire de plus de 20 heures, comme un avion sans ailes, réalisé par Marcel Houffler sur l'histoire de cette radio et sur celle du paysage radiophonique en Belgique. Parce que Radio Panique, sans doute plus que d'autres, ou du moins de manière plus collective, plus publique, plus créative, s'est questionné depuis ses débuts sur ce que ça signifiait d'être une radio associative. Pour évoquer ces questionnements et cette histoire, on retrouve Marcel Houffler, présent dès la fondation de Radio Panique, Carmelo Iannuzzo, qui est arrivé dans les années 90 et qui anime aujourd'hui l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles, Sophie Obi, productrice et réalisatrice de nombreuses émissions sur Radio Panique et membre du conseil d'administration, Pierre De Jager, ancien de Radio Campus Bruxelles et actuel permanent de Radio Panique, et deux nouvelles personnes, Sarah Fautré et Tamara Joukowski, qui ont toutes deux participé au conseil de programmation de Radio Panique et qui sont actuellement au conseil d'administration. Et la parole tout de suite est à Marcel Houffler pour évoquer la genèse de Radio Panique. Alors, Radio Panique est née en 1983, donc elle ne fait pas partie de la toute première génération des radios libres associatives, comme à Bruxelles, Radio Air Libre ou les radios alternatives. Je crois qu'on peut caractériser le concept de Radio Panique à son départ, et d'ailleurs me semble-t-il toujours actuellement, d'une certaine manière, comme la volonté de mettre ensemble à la fois l'immigration, qui n'avait pas beaucoup la parole à l'époque, et, je dirais, des forces autochtones progressistes dans le domaine de la culture, dans le domaine social, le domaine politique, qui ne se recoupaient pas forcément, mais donc là, il y avait une large scala de forces progressistes. Alors, du côté de l'immigration, le concept, dès le point de départ, et c'était énoncé comme tel, était interculturel et non pas multiculturel. Donc, dans la charte de fondation de Radio Panique, on insiste très fort sur un modèle interculturel d'intégration, pas d'assimilation, mais d'intégration qui garde la richesse du point de départ de chacune des communautés, et qui inclut l'interaction entre les différentes origines et les autochtones. Alors, dans la réalité, ça s'est passé un peu différemment du côté de l'immigration, c'est-à-dire que sans qu'on en ait pris vraiment la mesure au point de départ, on est allé dans un processus qui est devenu irréversible et qui était le multiculturel, c'est-à-dire que des représentants de communautés se sont regroupés autour d'une émission et n'avaient rien à foutre des émissions d'autres communautés et encore moins à foutre avec les avancées culturelles ou politiques du groupe qui était le noyau de la radio. Pourquoi on avait ce mélange? C'est parce que Radio Panique est née à Schaerbeek, où à l'époque on avait un bourgmestre, donc un maire quasi fasciste, très xénophobe, quasi extrême droite. Et donc à Scarbeil se sont développées toutes sortes d'associations et d'initiatives antiracistes. Et donc c'est pour ça que l'antiracisme a été aussi à la base des gens qui ont fait Radio Panique. Alors pourquoi le nom de Panique? Ça reste une inconnue, un mystère. Donc comment fonctionnait en Assemblée Générale pour n'importe quelle chose à l'époque, c'était vraiment 68 ans à fond. Donc il y a eu de nombreuses assemblées, non nombreuses, exagérons pas, il y a eu 3 Assemblées Générales qui ont duré jusque loin dans la nuit pour trouver un nom. Et donc la contrainte, c'était un nom qui devait signifier quelque chose pour toutes les langues, pour toutes les communautés qui étaient présentes à ce moment-là, les Turcs, les Marocains, les Espagnols, les Italiens, etc. Et alors, je me rappelle que très tard le soir, un jeune Flamand, puisqu'on a toujours eu des Flamands dans Radio Panique, au début en tout cas, a lancé Panique avec un K, parce que déjà à ce moment-là, les Flamands mettait souvent un K, c'était tendance, quoi. C'était tendance à l'époque, mettait un K à la fin des mots francophones. Puis on s'est aperçu que panique est compris dans toutes les langues du monde. Je ne crois pas qu'il y ait une langue dans le monde qui n'appelle pas panique autrement que panique. En tout cas, dans tout le spectre de langues que je connais. Et donc là, je crois aussi surtout par fatigue, les gens de l'Assemblée Générale ont dit « Ah oui, panique !» Et puis ils partaient, ils en avaient marre, etc. Bon, on l'a appelé. Panique, moi, m'a plu tout de suite. A plu aussi aux autres fondateurs, notamment à Carlos Damata, qui est en fait l'inspirateur de cette radio, qui est absent aujourd'hui. Et voilà. Et puis après, on a pu évidemment gloser sur Arabal et Théâtre Panique. Et puis Panique, il faut se rappeler, les années 80, c'était des années, déjà à ce moment-là, de crise et de remise en question de tous les mouvements progressistes au niveau politique et social, parce qu'il y avait, à ce moment-là, il y a eu une grande avancée du capitalisme, du néo-capitalisme, du néolibéralisme. Et donc, crise, panique. Et parmi toi, tu faisais partie des gens qui ont fondé Radio Panique, et je crois que tu faisais partie d'une équipe qui rédigeait un petit journal qui s'appelait le Courrier 1030, et qui a fondu ensuite son activité dans la radio. C'est exact, oui. Courrier 1030, c'était une presse locale qui donc sur les communes, les districts de Scarbeck et Saint-Josse, et qui essayait de prendre à bras-le-corps les problèmes sociaux et politiques, donc résultant d'un gouvernement de district absolument d'extrême droite. Carlos Damata. Je collaborais avec un petit groupe qui éditait un petit journal communal non officiel, qui était le Courrier de Scarbeck-Saint-Josse. Ce journal demandait un énorme effort. En fait, il n'était pas très ouvert parce qu'il faut avoir accès à l'écriture, etc. Et moi, je trouvais que la radio était, comme peut-être aujourd'hui pour certains avec l'informatique et Internet, un outil plus convivial à l'époque qui permet une plus grande liberté d'expression et plus variée, puisqu'on peut passer de la musique, on interviewe des gens en direct, même si la radio a l'inconvénient d'être momentanée. À moins d'enregistrer une émission, bon, bah, une fois que c'est dans l'air, ça disparaît. C'est pas imprimé. Nous avons eu avec l'équipe du journal tout un débat. Moi, j'étais fort pour passer à la formule radio d'expression. Et donc, nous avons réussi, enfin la majorité a quand même emporté sur la formule radio. Et à ce moment-là, nous avons en fait un peu fait un deal avec une petite radio de quartier qui n'avait jamais vraiment fonctionné, mais qui avait la clé de l'accès légal aux médias. Donc, qui avait une reconnaissance alors qu'elle ne fonctionnait pas. C'était Radio Josaphat. C'était Radio Josaphat qui avait été lancé un peu par un mouvement, je dirais, de tendance religieuse qui traînait dans un grenier. C'était des gens, des jeunes du quartier, des jeunes par ailleurs très sympas que j'avais moi-même parfois formé un peu aux techniques de studio, même si je suis pas un professionnel. Et on a trouvé un deal avec eux et puis c'est devenu Radio Panique. Est-ce qu'il y avait des associations spécifiques qui faisaient partie de la radio, c'était, ou des collectifs particuliers, ou bien c'était des individus qui se réunissaient pour faire une émission sur tel ou tel thème? Comment ça s'est structuré en fait au départ? Ça s'est structuré, ça voulait se structurer sur base individuelle. Donc c'est un individu qui présente un projet, même s'il a un collectif autour de lui, mais on ne voulait pas des représentants d'institutions existantes comme telles, quoi, ou d'associations existantes comme telles. Donc il fallait faire valoir son projet en fonction de la radio, quoi. Et donc la grille de l'antenne, est-ce que déjà, parce qu'en France il y a eu une évolution très sensible à partir du moment où les radios sont légalisées, on les oblige à émettre 24 heures sur 24. Et c'est un passage, en fait, où les radios qui n'avaient pas de grille d'antenne à proprement parler décident d'en avoir une, sauf certaines qui continuent à revendiquer le fait de faire de la radio libre et qui refusent cette notion de grille d'antenne, mais une majorité de radios adoptent une grille. Est-ce qu'il y a eu la même évolution en Belgique, ou bien est-ce que dès le début, vous avez structuré votre antenne de manière précise selon les horaires de la journée ? Je ne crois pas qu'il y a une contrainte absolue de devoir émettre 24 heures sur 24 en Belgique, même à l'heure actuelle. Non, ça dépend si on s'y est engagé ou pas quand on a fait la demande d'autorisation d'émettre, en fait. Donc une fois qu'on a dit que le projet c'est d'émettre 24 heures sur 24, on est obligé de s'y tenir, par contre. Et au départ, nous n'avions peut-être que une vingtaine d'heures d'émission sur Radio Panique. Et on était absolument incapable de remplir le fuseau horaire total. Et on n'avait même pas d'appareil qui permettait de le faire. Ce n'est qu'après quelques années qu'on a eu des lecteurs de cassettes qui diffusaient de manière continue, quoi. Donc on avait une tranche horaire très limitée au départ. Mais comment faire pour faire intervenir le monde extérieur sur les ondes en direct? Le seul contact possible alors est le téléphone. Le téléphone chez quelqu'un ou les cabines téléphoniques. Philippe Livreau va devenir le bricoleur des reportages en direct. Prenons par exemple le cas d'une manifestation. Philippe enregistre de l'ambiance et opère des interviews. L'émission Mixup se déroule à ce moment. Philippe prend possession d'une cabine téléphonique, téléphone à la radio, démonte le combiné et connecte le câble avec son enregistreur. On peut recevoir ces enregistrements bruts par téléphone et diffuser sur antenne du direct, avec seulement quelques minutes de décalage. Je me rappelle encore très précisément cette journée du 1er mai 1987. Je suis seul dans notre minuscule régie technique. J'ai préparé des commentaires sur divers événements ayant marqué l'histoire du 1er mai, et je les distille entre deux musiques révolutionnaires ou de lutte que Philippe et moi avons sélectionnées. De temps à autre, le téléphone sonne. C'est Philippe, évidemment. Je le balance sur antenne. Il commente ce qu'il voit et branche telle quelle cette prise de son brut. Travailleurs. se rappelle les travailleurs à Chicago qui ont été tués en 1800, j'ai vu, moi, pour avoir fait du travail. C'est de l'histoire ancienne. Oui, mais non, mais nous, c'est malheureux. C'est moins suivi qu'avant, c'est triste. Parce que pour nous, travailleurs, nous devions suivre plus ça. C'est à l'heure actuelle, le capitalisme reprend pied dans toute l'Europe occidentale, surtout. Tous les pays d'Europe. C'est triste. Et les ouvriers ne le comprennent pas. Le concept dès le point de départ, exactement comme pour la petite feuille, le courrier 1030, donc dont on a parlé, c'était local, mais pas localiste. Donc, on voulait être à la fois très proximité, très, très, très proche et très local, et en même temps s'occuper de tous les problèmes, être ouvert à tous les problèmes internationaux. Et on pensait même au départ que le fait d'avoir des émissions de ressortissants d'origine étrangère allait être un atout pour pouvoir passer du local à l'international. Ce qui parfois a été le cas, je me rappelle, de tranches d'informations. Lorsque l'Albanie est devenue libre, libre, non, c'est pas le bon mot, est passée, quoi ? Oui, démocratique, entre guillemets. On a eu une série d'émissions avec un animateur albanais qui était sur place là-bas, et en direct, par téléphone, donc à ce moment-là, on avait tout un groupe qui discutait des tenants et aboutissants de cette évolution en Albanie. On a eu la même chose à d'autres occasions. Donc, de manière ponctuelle, ça s'est réalisé. Et c'est vrai que quand ça se réalisait, surtout avec les moyens de l'époque, c'est parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur à Radio Panique à l'époque. Donc, tout par le téléphone branché sur un micro. Moi, j'avais une grande joie, après, personnellement, quand c'était réussi, avec tous les aléas de ce genre d'émission. Pour moi, c'était formidable, parce que c'était l'idée qu'on avait que ça devait être. Radio Panique. Estáis escuchando Radio Panique. Vous écoutez Radio Panique. Sur les années 80 et 90, quels sont les moments importants, des moments de lutte particuliers de la radio dont tu pourrais te souvenir ? Ce qui me reste maintenant, en tant que permanent, hein, en tant que responsable, ce qui me reste quand même encore le plus présent dans ma sensibilité, dans mon cœur, c'était tout le temps de me battre contre la distorsion qu'il y avait entre les idées, le concept de Radio Panique et la réalité effective. La distorsion était parfois tellement grande que j'ai eu à plusieurs reprises l'idée de démissionner ou de vouloir que cette radio cesse. D'autre part, il y a eu un incendie à Radio Panique, donc il y a eu un moment où sa survie était très problématique. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être c'est le moment, les meilleures choses ont une vie, ont une existence, elles meurent, et puis on refait autre chose, on n'abandonne pas le terrain et tout ça, mais on refait sur d'autres bases. Mais non, il y avait le dispositif, cette sorte d'agencement qu'on avait posé au départ, a été plus fort, il a subsisté et il m'a entraîné lui-même dans sa suite qui finalement, je crois, s'est amélioré dans le concept au fur et à mesure qu'on avance. Ça, ce sera à d'autres de le dire. Et alors là, il y a eu des combats internes épiques et ça me reste, c'est un mauvais souvenir. Et en même temps, cette lutte interne était énergisante, de donner beaucoup d'énergie pour l'idée. Et donc, le problème, c'est que lorsque... C'est un problème de classe. On avait à la fois une petite bourgeoisie intellectuelle et une classe ouvrière, ou même parfois sous-prolétariennes, qui étaient là, qui voulaient s'exprimer, qui faisaient des émissions. Il y avait d'autre part, du côté des communautés étrangères, il y avait des sortes de leaders spontanés ou même un petit peu organisés qui profitaient de ce moyen d'expression pour faire passer une idée, pas du tout, qui n'était pas du tout pluraliste, même au sein de leur propre communauté. D'autre part, au niveau musical, on a vu s'engouffrer de plus en plus des gens qui voulaient devenir quelqu'un au niveau de la scène musicale à Bruxelles et qui profitaient aussi de ce moyen-là parce que c'était un moyen pour se lancer alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités. Donc il y a eu tellement d'intérêts individuels, personnels, et mettre tout ça ensemble, ça a été une souffrance permanente. Il n'y a pas beaucoup de filles à Panique. Ah, ça, mais... À ton avis, pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être parce que parfois les conditions sont un peu rudes, quoique maintenant ça a changé, c'est devenu plus cool, mais non, je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Aucune idée. Aucune idée. En tout cas, c'est pas de ma faute. Je crois que les filles n'osent pas faire une émission. Pourquoi ? La fille a parfois un sentiment de timidité. Je suppose qu'il y a des filles qui aimeraient de faire des émissions, mais qui n'osent pas. Qui se disent, oh là là, jamais je pourrais m'en sortir. Une émission de radio, moi je suis là avec tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et il y a parfois un sentiment d'infériorité qui se fait dans leur esprit. Et c'est très dommage parce que certaines femmes peuvent faire des émissions fantastiques. C'est toujours cette discrimination sexuelle. La femme, hein, la femme qui fait une émission de radio, c'est... vous passez même parfois pour une Walkerie, quoi, une Amazon. Non, elle fait une émission de hard rock, mais je suis sûre, hein, qu'elle aime de se bagarrer, cette bonne femme-là. Ouais. Il y en a même qui ont pensé... On a peut-être fait de la prison. Une femme qui fait une émission de hard rock, mais un homme passe encore. Mais une femme, qu'est-ce que c'est que ça? chers amis, vous entendez la première émission de Radio Lucifer, langue de bois, langue de fer, la première radio libre de votre région. Mais c'est la voix de Ginette? Je répète, Radio Lucifer, langue de bois, langue de fer, 107.2, la seule radio qui vous diffuse la musique qui va vous permettre de trouver une issue à tous vos soucis. D'autre part, allez, un souvenir plus joyeux quand même, dans l'évolution. Parce que je parle comme ça, mais tout n'a pas été aussi blanc et noir. Il y a eu quand même beaucoup d'interactions, beaucoup de rencontres. Et donc je ne dois pas exagérer dans le pôle négatif. Alors, un truc où moi j'ai foncé tête baissée, c'est quand il y a eu la possibilité d'avoir de l'argent... avec ce fonds d'aide à la création radiophonique, dont on a parlé dans un autre contexte. Et la création, c'était quelque chose que j'essayais de favoriser déjà. Il y avait déjà plusieurs animateurs qui étaient vraiment dans un sens de création, qui voyaient la radio comme un médium utilisé dans un processus de création, d'invention, et de faire réfléchir et bouger les neurones et aussi le cœur des gens, quoi. Et donc, là, j'ai essayé de très fort focaliser les énergies qui existaient déjà, plus de nouvelles énergies, pour profiter à un maximum de ce fonds d'aide. Et en fait, au niveau de Radio Panique, les premières années, on a vraiment profité un maximum de cet argent qui nous a aidé à vivre. Moi-même, comme permanent, on a décidé, le conseil d'administration a décidé que la moitié de mon temps je devais le consacrer à la création radiophonique, avec comme justificatif que de l'argent rentrait pour la radio. Donc je ne prenais pas du tout d'argent pour moi-même. Et voilà quoi. Et en même temps, ça correspondait à mon désir. Donc là, j'ai commencé à être beaucoup plus heureux à Radio Panique, parce que je pouvais plus m'épanouir au niveau individuel, personnel. Cellule de création qui a été créée. T'as créé un, elle s'appelait comme ça, cellule de création. Et donc, qui serait à l'origine de la CSR, alors où, Donc, l'atelier de création sonore radiophonique n'a pas la même origine. L'origine de la CSR, c'est plutôt... les sociétés, c'est même avant tout les sociétés d'auteurs, donc la SACD, ou, comme vous avez en France aussi, plus un certain nombre d'auteurs, d'écrivains ou de compositeurs qui étaient frustrés de ne plus avoir leur entrée sur la radio nationale, à l'RTBF, mais qui ont eu une ouverture par rapport à ce qu'ils percevaient qui existait dans les radios associatives. Et en fait, une des rares choses qui existait, c'était cette cellule création de... Donc, dans les réunions qui ont fondé la CSR, des radios libres, il y avait des représentants de... Il y avait quelques personnes de Radio Campus qui avaient été invitées. Je ne sais pas si tu étais de la partie. Mais qui se sont retirés assez vite. Et alors, moi-même pour Radio Panique. Et en fait, oui, ils se sont retirés assez immédiatement. Et donc, on m'a demandé aussi alors de faire partie du conseil d'administration de la CSR. Et donc, j'ai été élu. Et donc, j'ai toujours défendu le pôle création en dehors de la RTBF, en provenance des radios associatives. Les premiers festivals de l'atelier, j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup, autant que possible, beaucoup de personnes venant des radios libres associatives qui puissent s'exprimer ou faire des performances ou des chambres d'écoute, comme on disait à l'époque. Mais j'ai été toujours un peu tiraillé des deux côtés et fusillé des deux côtés, d'une part les élitaires et d'autre part les associatifs, parce que là, j'ai eu un rôle un peu difficile d'entre deux. Le 15 juin, arrivé en vue des îles sud, 17 degrés 30 minutes 0 secondes, ouest 59 degrés 30 minutes 0 secondes, de l'île nord 14 degrés 40 minutes 0 secondes, ouest 61 degrés 0 minutes 0 secondes, passage en vue de l'île nord 15 degrés 30 minutes 0 secondes, ouest 61 degrés 20 minutes 0 secondes, de l'île nord 18 degrés 14 minutes 57 secondes, ouest 66 degrés 30 minutes 30 secondes. Le 29 juin, arrivé en vue de l'île nord, 18 degrés 28 minutes 0 secondes, ouest 69 degrés 54 minutes 0 secondes. Donc toi, Carmelo, tu arrives à quelle époque du grandissement de Radio Panique ? Moi, c'était vers 96, 98, je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'ai trouvé la radio... Après une période un peu dure, parce que le poste qu'occupait Marcel avait été perdu, avait été supprimé. Donc la radio a connu une année ou deux années sans poste rémunéré. Donc ça a été la gestion un peu à la vaille que vaille par le conseil d'administration de l'époque. Marcel était en conflit, donc il était extérieur à la radio à ce moment-là, avec le conseil d'administration de l'époque. Mais heureusement, voilà, ça fait partie des différentes vagues de l'histoire de Radio Panique. Il y avait toujours une communauté qui faisait le lien, le pôle fort de la radio. Et c'est avec celui-là que je suis arrivé à la radio. D'ailleurs, c'était une série d'animateurs, de jeunes animateurs et plutôt des émissions musicales qui avaient une interaction entre eux et qui commençaient à faire des petites soirées. C'était fort à la mode à l'époque à Bruxelles, dans les bâtiments abandonnés, ben, notamment... La radio, à cette époque-là, occupait des vieilles casernes militaires, les casernes d'Ailly. La radio occupait juste le rez-de-chaussée, et au-dessus, tu avais 3-4 étages d'une caserne militaire. Donc, c'était des locaux énormes, vides. Et donc, ils avaient envie de faire des soirées. Donc, on a commencé comme ça, de manière très amateur. Et c'est quelque chose qui était très à la mode à l'époque. Je veux dire, la première soirée qu'on avait organisée, je crois qu'on avait, je ne sais pas combien de personnes. On ne s'attendait pas à ça. Il y a eu même des problèmes de sécurité. Il y a eu un début d'incendie qui a été maîtrisé, heureusement. C'est parsemé d'incendies, l'histoire de Radio Panique. C'était très sauvage. Hein. Oui, je ne pas. Et voilà, ça a été... moi, j'ai été attiré plus par cette implantation dans cette caserne militaire. Et sachant qu'il y avait une radio au rez-de-chaussée, qui était un outil, je trouvais super intéressant. Et puis voilà, finalement, il y a eu... une réponse positive à une demande de poste rémunéré, une subvention d'aide à l'emploi, que Marcel avait déposée avant de partir. Et je l'ai pris pour le mi-temps administratif production, le poste qu'occupe toujours aujourd'hui Pierre maintenant. Et l'autre mi-temps, c'est Serge Tillemans qui l'a occupé. Et lui, s'est plus occupé de la technique, de la grille de programmation, du lien avec toutes les émissions, etc., etc. Et donc voilà, ça c'était la dynamique un peu des années que j'ai vécues au sein de la radio. Le pôle fort à cette époque-là, c'était vraiment ces jeunes et ces soirées. C'était vraiment l'ancrage de Radio Panique dans la scène culturelle bruxelloise, musicale. Radio Panique était vraiment fort en synergie avec toute une série d'opérateurs qui naissaient aussi, qui occupaient qui des squats ou des projets, je pense au Cinéma Nova, ou je pense... à d'autres opérateurs comme ça qui étaient en train de naître. Et Radio Panique était un peu le média de ces nouveaux projets. C'est dans une époque où Bruxelles était encore... il y avait encore la question de la rénovation urbaine de Bruxelles. Il y avait toute la jonction Nord-Midi qui était encore abandonnée, qui devait... Et il y avait plein d'opérateurs artistiques, culturels qui occupaient toute cette région du centre et qui donnaient une vie importante, foisonnante à la ville. Aujourd'hui, voilà, Bruxelles a été refaite, complètement refaite, tout est propre. Les bars se ressemblent énormément, mais à cette époque-là, tu avais des cafés, tu avais des trucs, des tas de choses qui se passaient. Si t'avais... Je m'ennuie un peu aujourd'hui à Bruxelles. Ouais. C'est parce que tu ne sors plus assez. Mais voilà, la radio était un peu l'écho de cette vie foisonnante. Et alors, c'était... mais il y avait toujours les émissions, les communautés étrangères qui étaient là, et les mêmes difficultés dont Marcel parlait tout à l'heure. Le pôle création, j'ai essayé de faire revenir Marcel, de faire vivre ce pôle création, donc il a encore existé tout un moment. Et j'ai joué cette carte-là. Je fais cette carte-là parce que c'était... ce que je n'ai pas dit, c'est que dès que j'ai pris le poste, 3 mois après, dans les 3 mois qui ont suivi, donc mon engagement, j'ai reçu d'une part la proposition d'un plan de fréquence du gouvernement dans lequel la fréquence de Radio Panique n'était plus là. Donc Radio Panique n'allait plus avoir de fréquence si ce plan de fréquence passait. Et j'ai eu une lettre du propriétaire des casernes militaires, donc la SLRB, qui nous demandait de partir. Donc voilà, donc directement j'étais engagé, directement j'ai eu 2 couteaux sous la gorge. Plus de fréquence, on doit changer d'endroit, on doit trouver un autre lieu. Quelle était la motivation de l'État pour rayer Radio Panique du plan de fréquence ? Ça, on peut en savoir, mais ce qui est clair, c'est que Radio Panique, apparemment, aux yeux du gouvernement, des politiques, n'était pas un acteur fort. Donc ça a été le combat de Serge et moi. Dans différentes directions. Là, j'ai parlé de la scène culturelle bruxelloise, mais une carte qu'on a fort jouée, c'est bien sûr la diffusion des productions défendues par le Fonds d'aide à la création audiophonique. On est devenu un diffuseur important, et ça, c'était, si tu veux, une manière, le seul lien possible avec un secteur financier subsidié. Donc, pour que le ministère nous voie dans ses statistiques, dans son bilan. Le bilan de diffusion du Fonds de la création audiophonique, il y avait Radio Panique et Radio Campus aussi, qui étaient les 2 gros diffuseurs. Donc voilà, on essayait, si tu veux, par différentes manières, sur différents champs d'activité. On a essayé d'attirer, de travailler en synergie avec plein d'opérateurs à Bruxelles, ce que l'équipe actuelle fait très bien, que ce soit pour mettre en place des émissions intéressantes avec du contenu d'information, du contenu de sensibilisation, dans différents champs, que ce soit le multiculturel, que ce soit sur le problème des droits des femmes, que ce soit le problème de donc, vie féminine, etc. etc. Mmh. Que ce soit aussi des projets d'ateliers de radio avec les écoles aussi, donc des professeurs qui viennent avec leur classe faire des émissions avec les jeunes le samedi matin. Donc on a essayé de monter comme ça plein de projets. Pour terminer, les deux couteaux sous la gorge du Carmelo, y en a un qui a disparu puisque ce plan de fréquence n'a pas abouti, celui où ne se trouvait pas la fréquence de panique. Mais par contre, celui de la caserne dont se faisait éjecter la radio, il est arrivé la même histoire qu'avec le poste rémunéré avec Marcel, c'est que j'avais fait tout un lobbying pour avoir des locaux pour la radio. Et la réponse positive est arrivée après que j'ai démissionné, donc j'ai quitté le poste. Et donc c'était pour venir ici où on se trouve actuellement ou bien ? Ouais, mais donc il y a eu cette période sans domicile dont toi tu peux peut-être davantage parler. Je ne sais pas, tu étais déjà là à ce moment-là ? En fait c'est ça, la période sans domicile c'est 2003, où ça a un petit peu, du fait de ne plus avoir de local, ça ruinait un peu la possibilité d'avoir un noyau qui se rencontre dans un endroit et qui puisse faire de la diffusion en direct. Et donc ce qui est resté, c'est de la diffusion continue automatisée de la musique et pas mal de préenregistrés venus d'autres radios, que ce soit Radio Zinzine ou d'autres radios sur l'Hexagone, enfin sur le Pentagone, je ne sais plus comment on dit. Le Pentagone, c'est en Belgique, à Bruxelles. Et donc en 2003, il y avait vraiment, c'était un peu la tristesse pour beaucoup de gens puisqu'il n'y avait plus la possibilité de diffuser et puis beaucoup de frustration aussi qui était là. Et donc en fait, moi j'ai découvert la radio par... Je vais faire un petit détour, mais par Radio Bruxelles, en 2001. C'est donc le sommet européen qui se passe à Bruxelles. Et là, Radio Panique, Radio Campus, Radio Air Libre et d'autres radios, membres de radios parfois étrangères, parfois sont venus se greffer autour de ce projet qui a duré 3 jours, il me semble, un week-end, et qui travaillait sur les dimensions politiques de la construction européenne, sur tout ce que ça signifiait en termes de frontières, de militarisation, etc., etc. Et donc ça a vraiment mobilisé, enfin en tout cas fait renaître, en tout cas en ce qui me concerne, le goût, tiens, il existe des radios, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas ? Radio Bruxelles. Bruxelles Radio. Radio Bruxelles. Radio Bruxelles. Donc 2003, il n'y a pas de local et c'est un peu plombé, l'ambiance n'est pas facile. Et Caroline est à un moment donné amenée, grâce à Carmelo, pour reprendre le poste que Carmelo va quitter. Elle accepte cet enjeu-là en sachant qu'il n'y a pas de local et que tout est à refaire parce qu'il n'y a pas de lieu. Et donc c'est, pour elle, c'est un vrai challenge. Et donc il y a un nouveau conseiller d'administration plusieurs membres qui intègrent le conseil d'administration. Et là-dedans, il y a pas mal de gens qui ont participé à Bruxelles, à Radio Bruxelles. Et donc, c'est tous des gens qui sont ou liés à des milieux alternatifs sur des travaux politiques ou liés à des médias. Et donc, ce conseil d'administration, il y a Nicolas qui aujourd'hui travaille à la RTB, il me semble. Il y a Karine qui est partie travailler, qui travaille dans une ONG. Ils ne sont plus là. Oui, c'est ça. Ces gens-là ne sont plus là. Il y avait Karine Thibault, il y avait Gwenel Brace, il y avait un peu des gens comme ça, et qui ont vraiment essayé de travailler à ce que le contenu soit à nouveau présent à la radio. Pas mal de conflits. Il se trouve que en 2004, il y a le Cinéma Nova qui fait une programmation de plein open air sur le terrain de la cité administrative qui est avant d'être investi par les nouveaux promoteurs et donc les nouveaux chantiers et occupe le terrain pendant un mois et donc propose, à l'époque Gwenaëlle propose que la radio fasse son studio mobile à cet endroit-là. On n'avait pas encore de local, en fait c'était juste à cette charnière où les travaux s'achevaient ici, à la rue Saint-Jos. Et donc pendant un mois, il y a à nouveau fédération de gens qui font de la radio, qui viennent occuper l'antenne chaque jour. Donc il y a 2 heures d'émission par jour qui se font, à la fois sur le programme du plein open air, et donc les enjeux immobiliers, promotion de la ville, développement urbanistique. Gwenaëlle reprend le travail de lobby que Carmelo avait entamé et obtient le local ici, Donc au cinquième étage, où il faut faire des travaux, donc ça prend évidemment plus de temps, parce que c'était à l'époque un tas de fientes de pigeons, et voilà. Donc tout se met en place, et à ce moment-là, le studio commence, se reprend en fonction à partir de 2004. Bah alors on peut commencer la visite alors. Allons-y. Alors on peut commencer par ici, ça c'est le bureau du technicien en fait. Donc comme on peut le constater, il y a plein de fils partout. Il y a ici quand même les ordinateurs qui servent à faire notre streaming. Et qui servent donc, ils sont reliés par des fils à l'intérieur du mur vers la régie. Et donc tout passe par des espèces d'équaliseurs et plusieurs petites machines comme ça qui permettent de réguler un peu le son et de l'envoyer direct sur l'antenne. Donc ils l'envoient sur un immeuble qui se trouve 500 mètres d'ici, qui est le plus haut immeuble de Bruxelles, en fait. Et donc, c'est là qu'est posée notre antenne, et donc, il diffuse sur tout Bruxelles. D'accord, c'est par faisceau que vous l'envoyez d'ici à l'immeuble. Voilà, mais c'est un faisceau un peu fabriqué, quoi, qu'on a fabriqué nous-mêmes grâce à un réseau citoyen, en fait. Et donc, qui est une association qui fait du web alternatif. Parce qu'ici, à Radio Panique, on fait tout en logiciel libre, en fait. Enfin, ça, c'est un choix qu'on a fait, un choix politique. Et d'ailleurs, on n'a pas tellement fait ce choix, on était vraiment obligés. À un moment, Radio Panique était vraiment une petite radio sans abri. Et donc, elle a vraiment dû être prise en main par les gens qui avaient du temps à donner pour la remettre sur pied et tout. Et donc, ces gens-là, c'était des gens qui faisait partie de l'univers des logiciels libres et tout. Et c'est comme ça que Radio Panique a pu être connue. Ça a été tout un travail, a été fait par ces braves gens du logiciel libre, en tout cas à Bruxelles, et surtout une association avec qui on est vraiment très très proche, qui est Domaine Public, et donc avec qui aussi, qui gère tous les serveurs de Radio Panique, et aussi le site internet. Donc voilà, qui est en SPIP, qui est un site collaboratif que je vous conseille d'aller visiter. Bah donne l'adresse, va. Alors, www.radiopanique.org, voilà. Et on a une vue sur Saint-Josse, alors, et sur le Brusilia, c'est justement, là, c'est l'immeuble dont je te parlais, en fait, qui est là-bas. Ok. Et Saint-Josse, c'est quoi comme type de quartier? Ben, Saint-Josse, c'est la plus petite commune de la ville, en fait. Et elle regroupe vraiment beaucoup d'immigrations différentes, en fait. Et c'est la commune la plus pauvre de Bruxelles, Saint-Josse, tout en étant une commune qui est fort appréciée par tout ce qui est des grands bureaux européens et tout ça, en fait. Et bon, il y a peut-être aussi un truc que j'ai pas dit, mais qu'on va aussi avoir un deuxième studio ici, ah oui. En fait. Voilà. Et là, on a les feuilles journalières de bord juste devant nous. C'est la suite du journal de bord qui est dans Comme un avion sans aile. Voilà, tout à fait. Que Marcel Auffler lit régulièrement. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez rigolo. On a toujours un peu les mêmes genres de petits messages, des fois qui sont gentils, des fois un peu plus brutes, je dirais. Par exemple, je peux en lire quelques-uns. Alors ici, Cuisine allemande, qui est une émission un peu déjantée le mardi soir de 10h à minuit, qui se termine d'ailleurs très souvent à 2h du mat. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Aïe, aïe, aïe, casque à pointe. Aïe, aïe, aïe, casque à pointe. Voilà, bon, c'est pour te dire. On introduit en 2004 une demande de reconnaissance qu'on se voit refuser, mais on a une convention. Donc, le challenge aussi pour le conseil d'administration à partir de 2004, c'est de trouver des financements pour que la radio ne soit plus dépendante seulement des cotisations des membres qui ne payent pas toujours, parce que ça, c'est aussi un autre problème, et aussi de pas avoir de déficit et pas de devoir mettre de sa poche pour que ça marche. Et au lieu d'aller vers des promoteurs privés, sponsors, c'est plutôt d'aller vers les autorités publiques et donc de chercher là. Et ça marche pas, puisqu'on n'a pas une reconnaissance à long terme, on a une convention, donc ça nourrit un petit peu la radio. On continue d'introduire des projets au fond d'aide à la création, comme avait initié Marcel et soutenu Carmelo à l'époque, ce qui donne quand même moyen de visibilité et puis de faire un travail de recherche, d'enquête, en tout cas sur des sujets assez variés. Et donc le dernier, c'était sur la cité administrative. Et le dernier maintenant qu'on fait, c'est sur le plan de fréquence. Donc l'histoire, la saga du plan de fréquence. Maintenant qu'on a une reconnaissance, ça change un peu les choses. Il y a là en dessous, par exemple, tout un centre en béton, qui est un centre de crise en cas où on aurait une nouvelle guerre atomique et où les ministères pouvaient se rassembler. Mais il est là. Ici derrière, vous avez parking A, l'autre côté c'est parking B, jardin, la tour, l'infra, salle polyvalente, métro et le congrès Stase, la station de congrès. Donc sans sortir, hein, donc il faut prendre le train là-bas. Ouais. Certains trains, pas tous, hein, parce que certains trains, oui. Oui, ouais, t'es encore en service. Donc, mais sans sortir, ça c'est quand même unique. Hein. C'est une nécessité. S'il devait venir par le socle, il y en a beaucoup qui s'envoleraient et qui perdraient en tout cas leur dossier de contentieux et des contributions qu'ils ont sous le bras. On verrait les feuilles d'impôt voler tout au long de la tour. Donc c'est pour que chacun puisse garder ses dossiers intacts qu'ils ont dû créer des souterrains et empêcher les gens de sortir. Ça a un côté assez... surréaliste et fantasmagorique, je dirais. Et en 2006, le dernier conseil d'administration avant, enfin pas le dernier, mais introduit à nouveau une demande de reconnaissance et obtient quelque chose. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette mouvance-là de se faire reconnaître par les autorités publiques communautés françaises et de voir financer les projets d'expression. Et donc c'est vrai que c'est tout un enjeu qui... à partir de 2004 jusqu'à 2006, ça va être laborieux de trouver des équipes, des gens qui veulent utiliser la radio comme un médium d'expression. Moi, en cinq ans, donc 2004 à aujourd'hui, il y a deux années qui sont difficiles après l'âge d'or ou le déclin, et puis et maintenant on revient à un truc où voilà, ça croît d'une certaine manière. Les animateurs qui font de la musique sont intéressés à dialoguer avec ceux qui font du contenu. Donc, tout d'un coup, cette frontière qui était là, très, très visible au moment de l'installation maintenant à la rue Saint-Josse, commence à devenir poreuse et ça devient intéressant de pouvoir se dire on fait une émission sur les prisons, t'as pas de la musique qui parle des prisons, et hop. Je ne comprends pas rien de tout. Si quelqu'un le comprend, s'il vous plaît, aide-moi à savoir de qui s'agit, parce que je ne comprends pas rien de tout. Je pense que les tacs sont un langage universel, mais que personnellement, je ne connais pas, je ne sais pas décrypter, je ne sais pas décoder. Ils expriment peut-être une révolte non signée, non exprimée, non décodée, et je n'en vois pas l'utilité. Quand on le nettoie un petit peu, on en remet au-dessus. C'est sans arrêt, quoi. Ça devrait... Comment c'est qu'on ne peut pas contacter ces gens-là qui font ça? Ils font ça la nuit, probablement. Je me demande comment c'est pas arrêté, ça. Ben voilà, nous venons d'entendre en fait une série de témoignages qui est issue en fait d'une petite expérience radiophonique qui a eu lieu au garage culturel où des passants, des invités, des personnes qui faisaient du graffiti ou d'autres personnes qui simplement s'exprimaient sur qu'est-ce qu'ils pensaient du tag ont dit leur opinion sur qu'est-ce que c'est le graffiti pour eux. Et donc maintenant nous allons un petit peu faire le tour de table de cette émission qui va traiter du graffiti, de l'espace public, des privations de liberté Et donc en fait, on est assez nombreux ce soir et donc nous allons un petit peu nous présenter. Yeah, dédicace à Radio Panique, dyslexia, la herencia de dos generaciones, no es por eso que se tenga menos razones. Pour un tout petit peu rebondir sur tout ce que disait Tamara, ces problèmes de cloisonnement dans les radios associatives, je pense qu'ils existent un peu partout, hein, c'est vraiment pas un problème nouveau. Et à Panique, effectivement, il y a quelques années, il y avait, en plus de ce cloisonnement hyper traditionnel entre les émissions communautaires et les autres, il y avait ce cloisonnement qui existait et qui avait tendance à se solidifier entre les émissions à contenu, les émissions politiques, les émissions d'information et les émissions musicales. Et moi, quelque part, ça m'encourage vraiment de voir que ce problème-là, on est quand même arrivé à l'enrayer et même à recréer, je pense. C'est pas totalement résolu, hein. Il y a encore de temps en temps des animosités, des intolérances mutuelles, pour reprendre une expression, je pense, de Marcel. Il y a encore de temps en temps des soucis, mais globalement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et alors que quand je suis arrivé, honnêtement, ça fait partie de ces différents cloisonnements qui semblaient un problème complètement insoluble. Mais ce cloisonnement aussi était dû au fait que les gens membres du conseil d'administration étaient souvent les gens qui faisaient partie des émissions politiques, contenu et d'information. Et donc on a vraiment fait un travail d'ouverture pour que la diversité de la radio soit aussi représentée dans le conseil d'administration. Donc maintenant, on a vraiment cherché quelqu'un qui était à fond dans la technique, quelqu'un qui était dans une émission musicale, pour que ça soit... Et il manque toujours un représentant pour les émissions communautaires, parce que il y a aussi le problème de la langue, quoi, qui nous bloque. Hein. Ça, c'est un énorme problème dans leurs émissions et dans le contact entre nous. Allô ? Oui ? Quelles sont, parce que c'est une partie qu'on n'a pas abordée en fait, alors que Radio Panique est quand même très active là-dedans, sur les échanges avec les autres radios, soit à travers Radia, soit à travers des initiatives comme Radio Swap qui sont en train un peu de renaître. Oui, ben disons, moi je vais. Pierre pourrait beaucoup mieux en parler avec moi, mais parce que c'est lui aussi qui s'occupe de la diffusion de Radia sur Radio Panique. Et, mais ce que je peux dire par rapport à Radio Swap, c'est que ça existait, ça a été lancé par des gens qui se trouvaient à l'ULB à l'époque, Radio Campus et tout ça. Ça a été lancé en 2005, je crois, la première mouture. Et puis après, ça a duré que 2 ans, et donc cet énorme serveur, en fin de compte, la prétention, de cette plateforme d'échange de radio était de fédérer un peu toute la production des radios associatives au niveau européen. Mais donc, moi, ce que je peux dire aussi, maintenant, pour le futur, plutôt de Radio Swap, j'irais, c'est que, il y avait surtout que c'est... C'est le principe d'archivage de Radio Swap qui est aujourd'hui important, et donc des décrets au niveau du ministère de la Culture en Belgique veut soutenir ce genre d'initiative, et donc les décrets vont sortir là vraisemblablement dans 6 mois, mais bon, c'est au niveau théorique toujours, encore une fois, et donc on attend après cet argent pour pouvoir renforcer et pérenniser cette activité, quoi. Enfin, donc Radia, c'est aussi partager des créations radio qui sont faites par chaque radio participante. Donc voilà, je laisse plutôt Pierre expliquer. Oui. Mais c'est né un peu dans le contexte de Radio Swap. Hein. Donc Radio Swap était un projet qui se développait déjà depuis quelque temps. Et dans ce contexte-là, Radia est né d'une discussion avec Diana McCarthy, qui à ce moment-là était très active à Reboot FM, qui était un projet de radio à Berlin, qui était une radio qui n'avait pas de fréquence, donc qui était surtout active sur le web et qui avait de temps en temps des fréquences temporaires dans le cadre d'événements, et avec Sarah Washington, qui elle vient plutôt de Résonance FM à Londres, mais qui à ce moment-là commençait plus ou moins à en sortir pour lancer son projet Mobile Radio, qui était une sorte de projet itinérant. Et donc un soir, en mangeant des spaghettis, on a eu une longue discussion sur le fait que pour qu'il y ait vraiment des collaborations et des échanges entre des radios, il fallait prendre le problème dans l'autre sens et partir du contenu et pas de l'outil qu'on allait utiliser pour échanger les contenus. Et que donc peu importe comment pratiquement l'échange se faisait, ce qui était important c'est d'abord de mettre des gens autour d'une table et de discuter des programmes qu'on avait envie de faire. Quelques temps plus tard, Diana est arrivée à soutirer un peu d'argent au Festival Transmédial à Berlin sous un prétexte quelque peu fallacieux et utiliser cet argent pour inviter une douzaine de personnes à Berlin qui représentaient différentes radios un peu partout en Europe. Et pendant trois jours, on a discuté de création radio et de ce qu'on avait envie de faire. Et donc, on est parti sur le principe le plus simple possible, c'est-à-dire une émission au départ d'une heure, depuis c'est passé à une demi-heure pour différentes raisons, une émission hebdomadaire qui serait produite par chaque radio à son tour. Et donc, une fois qu'on a fait le tour de toutes les radios, on recommence et qui serait diffusée sur toutes les radios. Et on s'est dit, on va commencer avec ça et voir si on arrive à faire tourner ça. Et globalement, c'est plutôt resté ça, avec de temps en temps des événements supplémentaires qui se sont rajoutés là-dessus, des directs communs avec des choses qui s'entrecroisent, des collaborations, des rencontres à l'occasion de festivals de création. Mais sinon, l'émission hebdomadaire, elle a toujours continué. Certaines radios qui étaient dans le réseau au départ ont plus ou moins disparu, d'autres sont venues s'ajouter. Maintenant, je pense qu'il y a une bonne vingtaine de radios dans Radia et on continue de faire l'émission hebdomadaire, mais tout ça... depuis le départ, c'est une sorte de projet zéro budget. Donc chaque fois qu'il y a eu une rencontre ou un événement, c'était à l'occasion d'autre chose, où donc on utilisait les budgets d'un autre événement pour pouvoir se rencontrer physiquement, ce qui est parfois quand même utile. Ce qui devient difficile maintenant avec l'internationalisation du projet, parce qu'au départ, toutes les radios étaient européennes, mais maintenant, il y en a au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, donc ça devient plus complexe. Mais sinon, ça reste ce projet qui tourne avec rien. Et peut-être que c'est pour ça qu'il fonctionne, parce qu'on a eu à certains moments des velléités d'aller monter des projets plus complexes, d'essayer d'obtenir des subventions européennes, ce qui aurait certainement été possible en fait, mais qui aurait introduit une complexité dont personne ne voulait. Donc voilà, ça reste ce truc un peu bricolé qui a pour finir assez peu de visibilité en dehors des radios qui y participent. Mais comme les radios qui y participent sont nombreuses et qu'elles ont quand même tous leurs auditeurs, pour finir, ça touche beaucoup de gens, mais ça touche beaucoup de gens vraiment par le canal traditionnel de la radio. C'est-à-dire c'est des radios qui sont écoutées et il y a des gens qui, par hasard, tombent sur ces contenus qui sont, pour finir, aussi assez divers parce qu'on s'est au départ refusé à donner une définition à la création radio en se disant que ce qu'on allait faire, c'était une définition par l'exemple. Comme ces différentes radios avaient en fait des visions assez différentes de ce qui constituait de la création radiophonique, eh ben, ces visions elles étaient tout aussi légitimes les unes que les autres et que globalement ben, peut-être qu'il y aurait des semaines où certaines radios n'aimeraient pas tel truc, mais que l'un dans l'autre tout le monde serait content, ce qui est plus ou moins le cas je pense jusqu'à présent. C'était l'histoire en questionnement de Radio Panique avec Marcel Offler, Sophie Aubi, Carmelo Iannuzzo, Sarah Fautré, Pierre de Jager et Tamara Joukowski. Un grand merci à Eric qui m'a aidé à trouver toutes ces personnes. Les entretiens étaient parsemés de plusieurs extraits de différentes émissions. D'abord le grand documentaire de Marcel Offler, Comme un avion sans aile, sur l'histoire de Radio Panique et celle du paysage radiophonique en Belgique. Ensuite une création plus récente de Radio Panique, La Cité Perdue. Et enfin des émissions actuelles de l'antenne, comme Cuisine Allemande, Bruit de mots, ou encore cette émission en public sur le TAG. L'Intempestive sera rediffusée sur le 88.4 marseillais samedi à 1h, et sur le 106.3 parisien mercredi à 10h. Et puis vous retrouverez l'émission en libre téléchargement, ainsi que toutes les références des émissions qui vous permettront d'aller les écouter cette fois dans leur intégralité, sur www.intempestive.net. Vous en pensez, mais en tout cas, je vous quitte et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales